Et puis maintenant, puisqu'il n'y a pas de partage d'écoute aujourd'hui, on vous propose d'écouter de midi à 13h des disques venus du stand de Vincent de Roguin, de sa librairie. Donc c'est une sélection qu'il a fait pour nous pour cette heure à venir. Et donc peut-être que Jonathan, qui est en train de se rapprocher de la platine vinyle et de sortir le premier disque, hein, tu peux nous dire ce qu'on va entendre ? Oui, je suis là, oui, tout à fait. Alors Vincent m'a donné 4 disques avec aussi un peu les indications de quel côté jouer. Donc on va commencer avec John Cage, que je pense beaucoup de gens doivent connaître, avec Sonate et Interlude pour piano préparé de 1986. Voilà, ça c'est pas lui. Ça c'était 86, le de la platine vinyle. 88. Je vais commencer à le poser. Voilà. Et donc pour piano préparé. Pour piano préparé. Voilà. En écoutant, on va voir. On découvre ces disques avec vous. Bonne écoute. Bonne écoute. Donc on est en train d'écouter un disque de John Cage, enregistré en 1946. Hein, c'est un disque que vous pourrez trouver dans la librairie du Festival Archipel. Ce disque Harmonia Mundi est garanti haute qualité artistique et technique. Son prix s'explique seulement par l'absence de pochette illustrée. Effectivement, c'est une pochette tout blanche avec juste du texte. Et à l'intérieur, il y a un petit papier avec un texte que je vais peut-être essayer de vous lire. Il me manque pour une zone de lumière. Voilà. John Cage, sonate et interlude pour piano préparé. Les 16 sonates et 4 interludes pour piano préparé ont été composées entre 1946 et 1948. Leur dédicataire, la pianiste Maro à Jemian, les a créés partiellement au Town Hall de New York le 14 avril 1946. Il y a Cage qui explique cette théorie du piano préparé. Cage lui-même raconte donc la genèse du piano préparé. Une étudiante noire, Sylvia Ford, lui avait demandé à la fin de 1938, alors qu'il enseignait à la Cornish School de Seattle, de composer la musique d'un ballet intitulé Bacchanal, et dont elle se chargeait de régler la chorégraphie. À cette époque, dit Cage, j'écrivais encore pour piano de la musique à 12 sons, et je savais que cela n'irait pas pour Bacchanal, qui était une œuvre primitive, presque barbare. Ma musique pour percussion aurait pu convenir, mais il n'y avait pas assez de place au théâtre pour caser tous les instruments. Je travaillais sans arriver nulle part. On était seulement à 3 jours de la représentation, alors je décidai tout d'un coup que ce qui n'allait pas, ce n'était pas moi, mais mon piano. Je me rappelais que Henry Cowell avait utilisé ses mains à l'intérieur du piano et qu'il avait même glissé un œuf à repriser entre les cordes. Je commençais donc à faire des essais à l'intérieur du piano, moi aussi. J'y disposais des revues, des journaux, des cendriers, des moules à tarte. Tous ces objets paraissaient changer le son comme je le voulais. Ils les rendaient percussifs, mais rebondissaient trop dans tous les sens. J'essayais un clou, mais il sautait partout. Alors je réalisais qu'un écrou ou un grand vis en bois inséré entre deux cordes allait mieux. Cela changeait tous les aspects du son. Très vite, j'obtiens toute une nouvelle gamme de sonorités, soit exactement ce dont j'avais besoin. En réalité, le piano était devenu un orchestre à percussion, contrôlable par un seul exécutant. À l'origine donc du piano préparé, nous trouvons donc un principe d'économie. Thank you. Thank you. Dans ce salon d'écoute un peu particulier aujourd'hui, qui n'est pas organisé par le Festival Archipel, mais par Archi Radio, en partenariat avec la librairie du festival, et donc Vincent Deroguin, on vient d'entendre le piano préparé de John Cage. Je vais enlever le disque, peut-être faire un fade à la plat, et on va découvrir le prochain disque proposé par Vincent. On l'ouvre devant vous, Lorraine Rush dans le sable. C'est un disque bien emballé, tout noir, avec une photo du promo de Lorraine Rush dessus, avec des très beaux moustaches, devant une tapisserie ancienne et une chemise. Alors Vincent, il avait proposé le côté A, on va le mettre sous la platine et c'est parti. Donc Lorraine Rush dans le sable pendant 20 minutes. Thank you. I'm trying to find immobility. I long for repose and immobilization. Within myself, I feel a longing to immobilize life around me. That is why I like immobile objects. Things that are always there, that never change. I attach importance only to solidity. A train passes along an embankment. The train does not exist for me. I only want to construct the embankment. The past is the precipice. The future is the mountain. So I had the idea of setting aside a buffer day between the past and present. During that day, I'm trying to do nothing at all. Classify it. Know where it belongs. I'm cut off from my own past. It's as if life were just beginning. It's as if the other had never been. So much so that it's all of it, nothing but shadows. Watch. I have to keep looking at it. There's so much time. It is as though it were Spanish grill work, dark and delicate, softly flowing and moist. I keep on telling myself it's a watch, but it doesn't fit together properly. Hands, the face, and the fact that it works. It's as if it were in pieces. It's as if life were just beginning. The softness of it gradually working through me. Like clouds, flowing, smooth. I can't remember exactly. Flowing warm, dark, soft. Doesn't make so much noise, even when it's not broken, even when it's not stopped. But now it is stopped. as the tree has stopped, as I have stopped. C'était Dans le sable de Laurent Rache pour soprano, haut-parleur, quatre altos et un orchestre, avec à la voix le narrateur Charles Scher, conducteur Alan Johnson et au soprano René Grant William. On va continuer avec cette session d'écoute particulière avec la dernière proposition de la librairie du festival avec Joanne la Barbara, Reluctant Gypsy. On va donc découvrir ce vinyle avec vous. Il nous a demandé de passer le côté B, le dernier morceau, Clé Allée. Donc de 16 minutes, c'est parfait parce que Constant va terminer à 16h pile. Alors 14h. 14h 13h. 13h, ok. Oui. On a, c'est le trou de l'espace-temps. À tout à l'heure. Errata corrige, c'était pas le bon morceau, on va donc switcher au bon morceau qu'on a annoncé tout à l'heure, Clé Allée, produit par la radio RIAS de Berlin et enregistré en 1979. Et toutes les compositions sont composées et performées par Joanne la Barbara. Thank you. C'était donc Joan La Barbara avec son morceau clé Allée, qui, comme le dit le titre, a été inspiré par les peintures de Paul Klee. C'est des enregistrements effectués en 1979. Ce qu'on a entendu, c'est la voix de La Barbara. Et un boucla, synthétisateur modulaire, qui a été utilisé pour accompagner les mouvements de la voix. Donc Barbara, Joan La Barbara, elle a utilisé la voix pendant une partie de sa carrière en utilisant des chants classiques ou traditionnels, en les modifiant. Donc on est arrivé au terme de cette première session partage d'écoute. On remercie encore Vincent Deroguin et son choix de avec ces trois disques. On nous avait proposé quatre, mais on n'a pas eu le temps. Donc on vous retrouve demain à partir de 10h du matin pour la directe de Archi Radio jusqu'à 13h. Et à partir de maintenant jusqu'à demain matin, vous pourrez écouter sur la radio Archi Radio des playlists réalisées par le festival, donc avec de la musique liée à la programmation du festival Archipel. À bientôt. Archi long. Archi bien. Archi beau. Archi radio. Archi doux. Archi cool. La radio du festival Archipel. Archi chouette. En direct. De 10h à midi. Archi nul. Sur Archipel. Archi fort. Archi long. .org.